La semaine avait été interminable, le planning du bloc devenait dément, et Samuel n'en pouvait plus. Si la pénurie d'anesthésistes devait durer, ceux qui exerçaient allaient finir par travailler 20 heures par jour. Pourquoi cette spécialité ne tentait-elle plus personne ? À cause de la menace des procès qui commençaient à s'intenter ici ou là, suivant le mauvais exemple des États-Unis ? Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonçait difficile, et Samuel était vraiment fatigué. D'autant plus que les chirurgiens l'appréciaient particulièrement et se disputaient sa moindre disponibilité. Il aurait pu se sentir flatté de leur préférence, mais il était trop préoccupé par sa vie privée pour y songer. Le temps était venu de faire table rase. Soit il renonçait à Pascal, soit il deviendrait fou. Depuis le samedi précédent, il n'avait pensé qu'à elle, au désir lancinant qu'elle lui inspirait, au besoin impérieux de la protéger et de la consoler, à l'insupportable douleur éprouvée en la laissant devant les grilles de Pérole. En revenant de Castres, il l'avait déposée là ainsi qu'elle le souhaitait, et il était rentré chez lui. Chez lui où il n'y avait rien à faire, personne à aimer. Presque chaque soir, il était sorti. Les copains devant qui il faisait bonne figure, les bars enfumés où des tas de jolies filles lui souriaient, rien ne parvenait à le distraire. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il avait tenu Pascal dans ses bras et senti battre son cœur ? Un instant qu'il avait déchiré, lui remettant en mémoire leurs années de bonheur. Elle lui avait téléphoné le mardi pour lui raconter d'une voix encore vibrante de rage son entrevue avec Nadine Clément. Mais lorsqu'il avait voulu la joindre 2 jours plus tard pour prendre de ses nouvelles, il était tombé sur sa messagerie et elle n'avait pas rappelé depuis. Sans doute trop accaparée par Laurent. Heureusement, le week-end était enfin là. Sam allait pouvoir voler. Peut-être même prendrait-il un avion pour faire un peu de voltige si ses élèves lui en laissaient le temps. Comme la plupart des pilotes, une fois dans le ciel, il oubliait tout. Alors qu'il pénétrait dans l'un des gigantesques hangars abritant les appareils, il tomba nez à nez avec Laurent, qui s'exclama d'un air faussement désinvolte. « Ah, c'est toi que je cherchais !»« Écoute, Sam, je ne m'entends pas du tout avec Daniel. Je le trouve nul comme instructeur. Je voudrais finir ma formation avec toi. »« Daniel n'est pas nul. »« Avec toi, Sam, s'il te plaît. Nous sommes fâchés. » »« Non. » Alors qu'est-ce qui s'y oppose ? De toute façon, je n'ai plus que 3 heures à faire avant de me présenter au test. Je suis quasiment prêt. Même pour les autorotations. C'est ma bête noire. Mais c'est avec toi que je compte la dompter. Samuel aimait bien Laurent. Ils avaient sympathisé d'emblée lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'aéroclub, 3 ans plus tôt. Et ils étaient devenus de véritables amis. Leur brouille ne rimait à rien. Ils avaient passé l'âge de s'affronter tels 2 coqs de village. « Très bien, » céda-t-il. « Vois le planning et inscris-toi. Mais je te préviens que je ne t'en parlerai pas, promis. Sauf si tu m'interroges. » Il se comprenait à demi-mot et n'avait pas eu besoin de nommer Pascal. « Au fait !» ajouta Laurent dont le regard bleu pétillait. « J'ai déjà vu le planning. Tu as une défection à 10 heures et je prends la place, d'accord ?» Sam hésita une seconde, toisant Laurent, puis il décida de faire abstraction de sa jalousie. « Tu vas souffrir !» prédit-il en désignant le Hughes 300.